Akafru Kalashnikov. Ça vient de Martin Fortson. J'ai les nerfs solides, ouais. Mais le cœur fragile et l'esprit envahi par les soucis. Hey, j'ai les nerfs solides, ouais. Mais le cœur fragile et l'esprit envahi par les soucis. C'est le système, hey, qui les pousse au suicide. Ouais. N'archétant pas parti de leur liste, moi. Trop fort d'esprit pour ces conneries. Je vais laisser une bonne image de moi dans les mémoires. Pour ma vie, ouais, ainsi que ma famille. Et pour les frères que j'apprécie dans la vie, ouais. Chaque phase, chaque rime sont précises. Soit tu te fléchis ou soit tu réfléchis. Moi c'est tout dit, tout est écrit, hein. Alors on limite juste la casse de nos conneries. Je t'apprends rien moi, nous antécédents dans notre passé. Je suis farfille comme des suicides, ouais. Jusqu'au jour de notre décès. On est entêté et fiché dans leur fichier, ouais. Je tourne en boucle comme le charlet. Pour te plus faire défendre les causes des condamnés. Ouais, ouais. Je continue à me chercher et traîner et remplir tes pages de cahier. Je tourne en boucle comme le charlet. Pour te plus faire défendre les causes des condamnés. Ouais, ouais. Je continue à me chercher et traîner et remplir tes pages de cahier. Hey, on m'a enlevé tout ce que j'aime. Et c'est pour ça que je suis devenu mal élevé. Ouais. J'ai pris la feuille comme thérapie. Ouais. Et le MP3 comme ami. Tu peux pas t'imaginer comment la tristesse fait des ravages dans mon sanctuaire. Et comment le mal se propage dans mes artères. Et à quel point j'ai mal quand je rappe ce texte. Des sales cités me traversent la tête. Mais j'ai pas le droit de me laisser aller. L'espoir fait vivre encore dans nos arrêts. Alors je continue à croire au conte de fées. J'avance avec la prière. En espérant me faire pardonner de mes péchés. Mon cœur est gros comme la terre. Les gens profitent et prennent le bon côté de mon cœur. J'écris des pages de peine. Pas pour faire pitié mais pour soulager mes peines. Appelle-moi, hey, Prince Picasso. Je suis juste un rappeur qui fait de la rap avec un stylo. Ouais, ouais. Blessé par la vie, blessé par ceux qui j'ai cru. Gros, je suis déçu. Mais je baisse par les bras, je suis un gagnant. T'es gros comme mes grands-parents. Ouais, ouais. Alors je vis de l'avant. Et je lâcherai un gros comme le fils de Raon. Raon.